saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mujina la Bwana Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur. Tunapitia asante Bwana pour cette grâce qu'il nous a accordée. Kwa hii neema anatupatia de nous retrouver encore ensemble. Yaji kupatikana tena pamoja. Pour écouter sa parole. Njoo ya kusikia neno lake. Nous saluons en même temps les frères. La salimia vile vile wanduku. Et les sœurs qui nous suivent en ligne. Na wadada wendufuata kwa njia ya mtandao. Levons-nous pour la prière. Pate kusimama njoo kuomba. Ouvrons nos Bibles dans Lévitique au chapitre 25. Ngwe Biblia yetu Walawi sura ya 25. Lévitique au chapitre 25. Walawi sura ya 25. Dans son verset 29 à 30. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Dans l'humilité de nos âmes, nous te demandons pardon. Katika unyenyekevu ya manafsi zetu, tunakuomba msamaha. Nous sommes des hommes imparfaits. Tuko batu wasiokuwa kamilifu. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Atuelewi vitu mingi. Nous sommes des hommes qui sont nés de la femme. Tuko batu balizaliwa kwa mwanamke. Qui boivent du péché comme de l'eau. Wenye kunywa dhambi sawa maji. Et cela est conforme à l'écriture. Na ile inambatana na andiko. Parce qu'il n'y a aucun juste. Ju hakuna hata mmoja mwenye kwa haki. Qui ne fait que de bien. Mwenye kutenda paka mema. Et qui ne peut pécher. Na hawezi kutenda dhambi. Et si nous disons ce soir. Na kama tunasema ngaribi ya leo. Que nous sommes sans péché. Ya kwamba tuko bila dhambi. Nous te ferons toi Dieu mentir. Tutakufanya we Mungu kwa muongo. Pardonne-nous Seigneur. Utusamehe Bwana. Sanctifie-nous. Ututakase. Nous sommes venus ici cet après-midi. Tunakuja pa ifazi mangaribi ya leo. C'est pour nous perfectionner. Minju upate utukamilisha. Nous pouvons pas le faire de nous-mêmes. Atuwezi kuyatenda kwa sisi wenyewe. Nous faisons confiance. Tunatumainia à l'œuvre du calvaire. Kazi ya msalaba. Tu n'as pas souffert pour les hommes justes. Akutese njua batu bahaki. Tu n'as pas souffert pour les saints. Akutese njua batakatifu. Tu n'as pas souffert pour les anges. Akutese njua malaika. Mais tu as souffert pour nous les pécheurs. Lakini uliteswa njuu yetu batenda dhambi. Ton sang a été versé pour damu nous. Yako ulimwangika njuu yetu. Maintenant libère une partie de ton esprit. Sasa utoshe sehemu ya roho yako. Pour qu'il vienne circoncire nos âmes. Ili patike wa kutairi manafsi zetu. Et que ton sang nous sanctifie. Na damu yako tutakase kabisa kabisa. Pour que notre offrande. Ili zawadi yetu. Te soit agréable. Ipate kupendeza. Souviens-toi de chaque frère. Ukumbuke kila nduku. Souviens-toi de chaque sœur. Ukumbuke kila dada. Comme ton serviteur. Savile comme ton serviteur a exposé le cas de notre frère. Savile mtumishi wako aleta mambo ya nduku yetu Mteba. Ta main est puissante. Mkono yako na uwezo. Pour délivrer notre frère. Tao kumbula nduku yetu. Augmente sa foi. Ongeza imani yake. Il s'accroche à l'œuvre du calvaire. Ambatani na kazi ya msalaba. Jusqu'au rétablissement de sa santé. Hata ufika kurudishwa kwa afya yake njema. Il y a encore un frère. Kama kwa kutena nduku moja. Wala dada. Qui est malade spirituellement. Mwenye kwa mgonjwa mkiroho. Esclave de démons. Tumwa wa mademona. La délivrance t'appartient. Ukombozi ni kwako. Si physiquement encore. Kama tena mumwili. Il y a quelqu'un qui est dérangé par des démons. Anangaishwa na mapepo mchafu. Kupitia vidonda vyako. Tulipokea matunzo. Merci Père. Asante Baba. Bénis la parole. Ubariki neno. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Si un homme vend une maison d'habitation, kama mtu anauzisha nyumba ya kupangia, dans une ville entourée de murs, mumuji yenye kuzunguka na maukuta, il aura le droit de rachat, atakuwa na ruhusa kuikomboa, jusqu'à l'accomplissement d'une année, atafika kueneana kwa mwaka moja, et depuis la vente, kuanzia wakati aliuzisha, son droit de rachat, halali yake kukomboa. Un an. Alali akombola itakuwa na muda mwaka moja. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière. Lakini kama nyumba yenye kupatikana mmoja ikuzunguka na ukuta haifike mkukombolewa kisha mwaka mzima. elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Na kwa uzao yake, il n'en sortira point au jubilé. Hasta toka kamu kamwe, mwakata jubilé. Les maisons de village non entourées de murs, manyumba ya mubijiji biasio kuzunguka na maukuta, seront considérées comme des fonds de terre. Batayona kuibeba sama zawadja udongo. Elles pourront être rachetées. Itawezi kukombolewa. Et l'acquéreur en sortira au jubilé. Na munya libeba atatoka kamo mwakati ya jubilé. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomya neno. C'est depuis dimanche nitangia siku ya yenga que nous parlons sur ce verset. Tunasemea yule aibstari ya Biblia. Pour une propriété Mali, qui est entourée de murs dans une ville. Yenye kupatikana mumuji yenye kuzunguka na maukuta vibumbashi. Dieu avait donné une année de grâce. Mungu aletaka mwaka moya nema. Depuis la vente de cette propriété. Tangia siku ya kuzishiwa kwa ile mali. Jusqu'à l'accomplissement d'une année entière, hata kufika mwisho wa mwaka moja, le vendeur devait faire un effort pour récupérer cela. Mwenye aliuzisha nyumba yake, alipasha kufanya nguvu ili apate kwenda na kukombola nyumba yake. Après une année, kisha mwaka moja, c'était maintenant difficile de l'acquérir. Ilikuwa nguvu sana kukombola ile nyumba. La maison, nyumba, restait entre les mains de l'acquéreur. Ilianza kubakilia mu mikono ya ule alibeba. Comme son héritage. Sawa urithi yake. Pas seulement pour lui. Hapana paka juu yake yeye mwenyewe. Mais un héritage pour ses enfants. Lakini urithi juu ya batoto yake. Et nous vous avons dit ceci dimanche. Na tulimionesha hivi msiku ya yenga. Au jour du jubilé, musiku ya jubilé, c'est uniquement ni pas qu'à tout, les fils d'Israël nés du pur sang, batoto ya Israël benye kuzali kwa na damu safi, pouvaient être libres, jo waliwezi kwa uru, mais pas les autres esclaves, lakini hapana bale batumwa bengine, même s'ils entendaient atakama baliwezi kusikia le son de la trompette mulilio wa tarumpeta en reconnaissant que ça c'est le jubilé na mkuyua kwamba ile ni jubilé mais la loi que Dieu avait donnée à Israël lakini sheria ile Mungu alipataka Israeli ne le concernait pas haikubangalie bo il restait esclave walianza kubakia paka batumwa il continuait à servir leur maître na kuendelea kutumikia wale wale watawala pendant que les purs sang israélites wakati wa Israeli wa damu safi étaient libérés walikuwa naachiliwa huru et regagnaient leur territoire na kurudiria mubudongo yabo. C'est ce que nous avons dit. Ile ndio tulisema l'esclave restait esclave mutumwa alianza kubakia kwa lote mutumwa. Mais l'enfant d'Israël, lakini mtoto wa Israeli, lui qui écoutait et reconnaissait la trompette, yeye alianza kusikia tarumpeta na kutambua mulilio wa tarumpeta, il s'élevait sans condition. Alianza kulamuka bila kanuni, il s'élevait librement. Alianza kulamuka na uhuru yote et rentrait dans sa propriété. Na kurudia mumali yake sans rien payer. Bila kulipa kitu chochote. Oui, bien-aimé frère. Ndio wanduku wapendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndio wadada wapendwa. Pourquoi? Dieu a nini? La maison qui était dans une ville clôturée. Nyumba ile ilipatikana mumuji yenye kuzunguka na ukuta ne pouvait jamais être rachetée. Haikuwezi kamwe kukombolewa. Au jour du jubilé. Musiku ya jubilé. C'est vraiment un type. Hii ni picha kabisa kabisa. Il doit nous interpeller chacun de nous. Ile inapasha kuleta angalisho kabisa kwa kila mmoja wetu. Cet homme qui habitait les murs. Huyu mtu anaanza kuikala mpango wenye kuzunguka na Lubumbashi. Entre les murs. Katikati ya Lubumbashi. N'avait pas la possibilité. Asikuwa na namna d'entendre correctement les sons de la trompette. Ya kusikia mzuri mzuri mulilio ya tarupeta. Les murs. Lubumbashi. L'empêcher d'entendre correctement apate kusikiliza vizuri vizuri mulilio ya tarupeta. Les murs Lubumbashi ne lui permettait pas abikwanze kumuruhusu de recevoir distinctement apate kupokea mzuri mzuri la signification maana du son de la trompette ya mulilio ya tarupeta. C'est un grand type. Ini picha munene. Il nous concerne nous qui vivons aujourd'hui. Il est anglais si et bien kuishi masiku ya leo. Si vous suivez pas à pas comment nous évoluons avec cet enseignement. Kama mungu nafuata hatua kwa hatua namna tukunaendelea na hii mafundisho. Dans les jours qui sont derrière nous. Masiku yenye ubakia kumkungu yetu. Nous avons beaucoup insisté sur l'hybridation de la parole de Dieu. Tuliweka mkazo yulu ya mchanganyiko kuchanga neno la Mungu. Les interprétations sur la parole de Dieu. Kuweka matafsiri ya kimutu yulu ya neno la Mungu. Nous avons presque fait une semaine. Tulifanya kadri juma moja yulu ya ile nukta ya mchangambiko. Quand quelqu'un était libéré, wakati mtu alikombolewa, Christ est venu le libérer. Christ alikuwa kumkomboa par l'œuvre qu'il a accomplie au bois du Calvaire. Kupitia kazi alitimiza kumsalaba Calvario. Parce que Dieu veut le voir libre. Ju Mungu anapenda kumuona huru. Dieu ne veut pas que ses enfants soient esclaves. Mungu ashipende batoto wake bakuwa batumwa. De quelqu'un d'autre comme l'avons. Ya mtu mwingine sasa tuweze kusema. Mais lorsque ce dernier, lakini wakati sasa huyu mtu se replonge dans les interprétations particulières de la parole de Dieu. Anajitumbukiza sasa matafsiri ya kimtu kuneno la Mungu. Il se lit dans les interprétations de la parole de Dieu. Il se clôture lui-même dans ses propres pensées. Des raisonnements loin de la parole du Seigneur. Et contraire à la parole de Dieu. Il est impossible à un tel homme d'entendre les sons de l'évangile, apate kusikia mulilio ya injili, la signification de l'évangile, maana ya injili, et de se libérer. Na apate kutoka huru. Le message que nous avons cru, ujumbe yenye tuliamini, ne sera jamais une dénomination. Aita kuwaka kamwe zehebu. Mais toi-même tu peux te faire une lakini wewe mwenyewe unaweza kutufanya kuwa mtu wa kizehebu. Le message et l'évangile du salut, ujumbe na injili ya wokovu, continue à être proclamé sur toute la terre, kuendelea na kutangaziwa mdunia yote mzima, et libérer tous les élus, na kukombola wateule bote, les prédestinés, wenye kutangulia kutayarishwa, les puissants, wenye kuwa wadamu safi, ces hommes et ces femmes, wale banaume na banamuke, qui ont expérimenté le véritable salut, wale walionja okovu ya kweli, kupitia neno la kweli, et le véritable Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu wa kweli, ils ne supportent pas, abavumiliaki, des fausses choses dans leur vie, bintu bibaya bya bongo maisha yabo, dans la conduite du Saint-Esprit, dans l'esprit de vérité. Voilà les hommes qui se libèrent. Voilà les femmes qui se libèrent. Mais ces hommes et ces femmes qui se replongent dans les interprétations particulières, s'enferment dans les murs des faux raisonnements contraires à la parole de Dieu, ne peuvent jamais être sauvés. Ils ne peuvent jamais comprendre l'interprétation particulière, l'interprétation claire de la parole de Dieu. C'est difficile. Iko kigumu. Wanduku. Dada. Laissez-moi vous exhorter ce soir. Parce que vous pouvez être une dénomination tout en étant dans cette église. Vous continuez à crier. J'ai cru au message. Dieu m'a envoyé un prophète. Nous avons des bons prédicateurs. Nous sommes bien enseignés. Ce sont des paroles en l'air. Les interprétations personnelles de la parole. Matafsiri akimutu yule ya neno la Mungu. Ce n'est même pas quelqu'un d'autre qui interprète pour toi. Aina ta mtu mwingine atafsiri neno la Mungu juu yako. Quand la parole de Dieu est enseignée, wakati neno la Mungu banaifundisha, toi-même tu as ta propre compréhension de ce que le Saint-Esprit a dit. Wewe mwenyewe uko na namna yako ya kusikia bile neno la Mungu Roho Mtakatifu inasema. Ta fausse compréhension de ce que Dieu a dit par le Saint-Esprit, par l'Écriture, kusikia kubaya kwa kile Mungu alisema kwa njia ya Roho Mtakatifu na kwa njia ya andiko, vous amène à interpréter à convenance personnellement cette parole que tu as entendue. Iko na kupeleka upate kutafsiri neno la Mungu vile wewe mwenyewe unapenda ikushikia ile neno la Mungu. Avec un tel esprit, na roho ya vile, il vous sera impossible d'être sauvé et d'être délivré. Itakukuia nguvu upate kukolewa na kukombolewa. Vos interprétations particulières personnelles, matafsiri yako tu akimutu, selon votre compréhension personnelle, kufatana na kushikia tu kwako, ne peuvent jamais vous donner la véritable foi qui vient de Dieu. Kukupatia imani ya kweli ya kutoka kwa Mungu. La véritable foi de Dieu qui nous sauve. Imani ya kweli ya Mungu qui nous libère, ya kutukombola, de tous les démons, madémona yote, de tout péché, uzambi yote, de toute nature contraire à la parole de Dieu. Uhali yote yenye kwa kinyume na neno la Mungu. C'est la foi qui vient de Dieu lui-même. Ni paka tu imani ya kutokea kwa Mungu mwenyewe. De sa parole. Ya kutokea kwa neno lake. La foi qui vient de votre propre interprétation. Apana imani ya kutoka kwa tafsiri yako wewe mwenyewe. Le Saint-Esprit enseigne une chose. Roho Mtakatifu anafundisha kitu fulani. Toi tu ajoutes ton interprétation. Wewe unaongeza ku namna kwa kuona utafsiri yako. C'est fini. Kuna malizika. Tu t'enfermes dans les murs. Unajifungia wewe mwenyewe mubibumbashi. Et Satan viendra continuellement te dire, tu as une bonne compréhension. Les autres ne comprennent pas. Même le prédicateur qui a porté la parole là n'a pas compris. Moi-même, je comprends. Vous savez, frère, c'est l'orgueil, l'incrédulité qui amène aux gens ndoko napeleka batu d'interpréter personnellement la parole de Dieu à leur manière. Basifike mkutafsiri neno la Mungu mnamna yabo. L'église est avec moi. Et kanisa unanifuata. Les incompréhensions de la parole de Dieu. Kusikia mubaya kwa neno la Mungu. Ce sont des murs que vous érigez, Ni bibumbashi bile omnyeko najiyengea. Pour ne plus jamais écouter ili kamwe ukose kusikia le vrai sens de ce qui vous est annoncé. Maana ya kweli ya ili bona kutangazia. Frère, nduku, ma sœur, dada yangu, il y a des frères et des sœurs tuko banduku na badada qui ne comprennent jamais exactement dans les limites de la parole et de l'esprit ce qu'il est enseigné. Ils comprennent comme les dénominationnels, ils comprennent comme des païens, ils ont une compréhension hybride. Les incompréhensions de la parole. Kutokusikia mzuri neno. Ne peuvent jamais vous amener à la liberté. Akuwezi kama kukufikisha mkuwe huru. Il y a des gens quand on parle. Kuko batu wakati banasema. Quand vous le dites, est-ce que tu peux me dire ce que le Saint-Esprit a dit? Banamonesha eti unaweza kunionyesha unamuuliza eti unaweza kusema unaweza kunionyesha hapo bila Roho Mtakatifu alisema kai louvre la bouche wakati anafungua kinywa anja kusema il dit le contraire de ce que le Saint Esprit a dit eko nasema bia kuachana na bila Roho Mtakatifu alisema toi même qui l'entends tu es wewe mioro msikia tu es étonné unashangaa. Si cet homme était dans l'église, où il a écouté comme les autres, voilà, où il a écouté comme toi, voilà, les incompréhensions dans la parole de Dieu ne peuvent pas t'aider à vous libérer. C'est vrai, frère. Vos propres idées sur la parole de Dieu. Mawazo yako weye yule ya neno la Mungu. Vos propres raisonnements sur la parole de Dieu. Masikili yako weye yule ya neno la Mungu. Ce sont les murs que vous dirigez. Ni bibumbashi bile wana yenga. Qui vous empêcheront. Bita kuzuiza. D'écouter la vérité de l'évangile pour votre salut. Upate kusikia ukweli ya injili juu ya wokovu yako. Les incompréhensions. Kusikia mubaya. Les faux raisonnements propres de la parole. Kufikiri mubaya yule ya neno la Mungu. Vos propres fausses idées. Mawazo yako ya mubaya yule ya neno la Mungu. Vous entraîneront. Itakupeleka. À des traditions. Uende kuma desturi. À des lois humaines. Kuma sheria ya kimutu. C'est vrai. Kweli, constitue inatunga, des murs qui vous entourent. Sasa voyez. Naona, vous empêchant. D'écouter mwenyewe, le son de la trompette. De la vraie parole de Dieu révélée. Ya neno la kweli la Mungu yenye par le Saint-Esprit. Na Rome takatifu, pour ce jour. Juu ya siku ya leo, c'est vrai. Kweli, et la trompette de jubilé. Na tarumpeta ya jubilé. Vous l'écouterez jamais. C'est vrai. Il y a un secret quand on écoute la parole. Kukosiri wakati unasikia neno la Mungu. Si vous voulez que le Saint-Esprit kama unapenda Roho Mtakatifu la compréhension exacte de la parole akupatie usikilivu ya mzuri ya neno la Mungu livre ce secret la mimi unanipatia ile siri mangaribi ya leo ayez le souci profond uwe na ile angaiko ya upana de comprendre ya kuelewa ce que le Saint-Esprit annonce ile Roho Mtakatifu iko natangaza par la voix de sa parole kwa njia ya neno lake. Si vous avez ce souci là kama uko na ile angaiko ce souci là ile angaiko vous conduira à être attentif itakupekisha upate kwa msikivu à chaque parole kila neno prononcé par le Saint-Esprit ile Roho Mtakatifu iko nasema. Et ce souci-là, na ile angaiko, quand je le vois, wakati Mungu anaiona ndani mwako, vous ouvrir, atakufungua, votre entendement spirituel, usikilivu yako wa kiroho, et vous recevrez la révélation de Dieu. Na utapokea pale ufunuo ya Mungu. Et vous aurez la possibilité na utakuwa sasa na namna de te libérer ya weye kukombolewa de tous les démons kuma demona yote et de tout péché na kuzambi yote. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweli dada yangu. Il ne faut pas avoir aipashe kuwa une compréhension corrompue. Na usikilivu ya kuharibika. Paul en a parlé. Paulo alisema mambo. Il y a des frères et sœurs. Huko banduku na badada qui ont une compréhension corrompue. Mbona na usikilivu ya kuharibika. À cause de leur incrédulité. Juu ya kutokuamini kwabo. Vous voyez? Naona Un incrédule est un païen. Mtu wa kutokuamini ni mpagano. Un païen est un incrédule. Mpagano ni wa kutokuamini. Vous voyez? Unaona? Il interprète les choses. Ona tafsiri bitu. Il comprend les choses. Eko nashikia bitu. D'une manière typiquement. Munamna tu. Charnel. Ya kimwili. Et cette compréhension na des choses charnelles vous empêchera de recevoir l'exact signification maana kabisa kabisa de ce que Dieu dit. Ya kile Mungu anasema, la vie éternelle uzima ya milele ne dépend pas de ce que tu vois ailinganishwe na ile uko naona ou de ce que tu entends wala na ile uko nasikia. Mais la vie éternelle, lakini uzima milele dépend du discernement na linganishwa na kutambua kwa kiroho kule unapokea kubitu vile uko naona les choses que vous entendez na bintu vile unasikia. Pour vivre la parole, il faut que neno, il faut que vous puissiez bien comprendre cette parole. Il est pratiquement difficile, iko impossible. Kigumu sana, aiwezikane. Uishi sawa sawa neno la Mungu. Que tu vives correctement la parole de Dieu. Kama we awele neno la Mungu mzuri. Aussi longtemps que tu ne comprends pas correctement cette parole de Dieu. Mon frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Apana dada yangu. C'est comme le Saint-Esprit le disait. Et vous savez, les Roms, c'est que tu prends d'après ça. Il y a des gens Kukubatu, qui ne croient rien. Wale, awamini kitu. Beko mkanisa, ils sont dans l'église. Ils ne croient en rien. Mais awamini kitu. Ils ne défendent rien. Abakombani kitu. Ils ne connaissent rien. Abadjou kitu. Mais ils sont là. Lakini beko amotu. Ils ont leur propre raisonnement, leurs propres interprétations, leurs propres idées. Vous voyez, ce que Dieu dit, ce sont des murs qui vous empêchent d'être libérés. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est ainsi que vous voyez même les églises qui ont interprété la parole de Dieu ne peuvent plus entendre les sons de la trompette de l'évangile. On leur a mal interprété la parole. C'est pourquoi vous écouterez les dénominations, même si la parole est exposée, même si l'évangile est prêché, dans les termes les plus clairs, vous voyez, il te dira, je suis 100% catholique, je suis 100% méthodiste, missionni. Je suis 100% témoin de Jéhovah. Je suis 100% pentecôtiste. Pente. Il est dans une ville Eko Mumuji qui est clôturée, enye kuzunguka na maukuta, qui l'empêche d'écouter na Eko na mzuia apate kusikia le son de la trompette. Mulilio ya trompeta. C'est vrai. Bia kweli. On demande la voie du salut. Mana konesha njia ya wokovu. Toi tu dis. Wewe unasema. Je suis du tabernacle. Mimi niko mtabernacle. C'est un mur que tu t'es construit. Nikibumbashi kile omnyone jijengea. La délivrance. Ukombozi ne vient pas par adhésion à l'église. Aikuye munjia ya kujiunga tu ku kanisa. Non. Hapana. La délivrance kukombozi vient par naissance. Iko na kwa kuzalikwa, kwa kuzalishwa. Vous voyez? Unaona? Les enfants d'Israël. Watoto wa Israeli. Qui étaient libérés. Bali kombolewaka. Au jour de la du jubilé. Siku ya jubilé. Étaient du pur sang. Bali kwaka baadamu safi ba Israeli. Était du pur sang. Bali kwa baadamu safi. Israélite. Wa Israeli. C'est vrai, frère. Bien quoi, Ndouku. Frère Banam me dit ceci dans les retours et jubilés. Ndouku Banam a servi ma obéir à Kurudia, na jubilé, la misomé à Koto Kitumoyapa. Retour et jubilé. Kurudi, na jubilé. Écoutez ce que fait Branham. Mufate ilinduku Branham anasema. Dans son paragraphe 27. Nukta yake makumi mbili na saba. Jusqu'au paragraphe 9. Kwenda nukta makumi mbili na tisa. Nous prendrons le paragraphe 40. Tutabeba tena nukta makumi ine. Dans Lévitique 25. Walawi sura makumi mbili na tano. Je ne veux pas parler pour critiquer. Mais je suis en train de faire des avec modestie. Avec révérence. Dans la crainte de Dieu. En présence duquel nous nous trouvons tous ce soir. Avez-vous remarqué? Et Muliona, comme vous l'avez lu. Quand vous rentrerez chez vous, si vous ne l'avez pas lu, kama ukusome, que si un homme achetait une propriété ya kwamba, kama mutu akiuza mali, dans une ville entourée de murs, mumuji yenye kuzunguka na maukuta, et qu'il la vendait, na nafika mkuiuzisha, il avait alors une année pour la racheter. Alikuwa na mwaka moja tu njo akukombola ile nyumba yake. Et si ne rachetait pas cela, na kama kuwezi kukombola ile, cette propriété, ile nyumba, si elle était dans l'enceinte d'une muraille, kama ilikuwa mu nyumba yenye kuzunguka na mkini kuzunguka na ukuta, ilipata kubakilia mule ndani ya mpango, elle ne pouvait pas être libérée au jubilé, na ikuwezi kama kukombolewa mtu kwa jubilé, ilipasha kubakilia paka mule. Ils étaient de l'autre côté du mur, boba alikuwa ngambo ya pili sasa ya Kibumbashi. Il n'entendait jamais les jubilés. Aba kwanzaye kusikia kamwe jubilé. Il n'entendait jamais les jubilés. Aba kwanzaye kusikia kamwe jubilé. Les sons de la trompette. Mulilio ya tarumpeta. On sonnait la trompette. Baranza kupika tarumpeta. Mais cela ne pouvait pas être libéré. Lakini kamwe ile nyumba haikuwezi kukombolewa. Parce que ce qui devait libérer la maison. Ndio ule alipata kukombolewa ile nyumba. N'entendait pas le son à cause du mur. Awa kwanza kusikia mulilio njuu ya ile kibumbashi. Kile zambashi. Kile anza kubazuia wapati kusikia ile kelele. Vrai frère. Ndio kweli nduku. Et j'ai bien peur. Na niko na oga sana. Que l'une des choses que nous avions au commencement, la manière dont ces vétérans, les anciens prédicateurs, les combattants de l'évangile, ont prêché contre les faits, contre le fait de nous organiser, que nous ne soyons pas retournés, et que nous n'ayons fait la même chose que nos pères. Pour en sortir. Avaient si durement combattu. Na boba likumbanaka sana na nguvu yote. Juu ya kutoka mu mazebu. Pour sortir de dénomination. Na kutoka mu compréhension ya kizebu. Et sortir de la compréhension dénominationnelle. Kutoka mu compréhension ya kipagano. Et sortir de la compréhension païenne. Ils ont combattu la chose durement. Balikumbanisha kile kitu na nguvu sana. Nous y arriverons. Tutafika hako. Dieu les a libérés. Mungu akabakomboa. Mais retomber en quoi? Lakini kuanguka tena mu vile bintu. C'est grave. Ni hatari ile. Unaona? La plus grande difficulté. Magumu munene. Nous n'avons pas beaucoup de sœurs. Atuna na badada ba mingi. Et beaucoup de frères. Na banduku ba mingi. Qui ont fait une véritable expérience. Wale walifanya onjo ya kweli. De la nouvelle naissance, ya kuzali kwa mara ya pili, basé sur la vraie parole, yenye kujengwa yule ya neno la kweli, et le véritable Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu wa kweli. Nous n'en avons pas beaucoup. Atuna nabo ba mingi. C'est vrai. Ni bya kweli. Et la ville entourée de murs. Na muji yenye kuzunguka na maukuta. J'ai craint que beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Maintenant, souvenez-vous-en. Ceux qui étaient enfermés dans les murs ne pouvaient plus jamais recouvrir la liberté. Ils restaient esclaves. Le reste de leur vie. La querelle les possédait. Ils avaient placé leur héritage dans une ville entourée de murs. Mais si c'est à l'extérieur, dans toutes ces petites villes, ça pouvait être libéré aujourd'hui. Je ne veux pas critiquer. Je voudrais simplement déclarer ce qui est la vérité. Oui, bien aimé frère. Ce qui est vraiment la vérité scripturaire. Maintenant, nous constatons que plusieurs d'entre nous, en ces derniers jours, dans notre organisation pentecôtiste, où nous sommes entrés, où nous sommes organisés, nous avons rejeté la conduite du Saint-Esprit à cause de la sagesse humaine. Vous voyez? Maintenant, à l'intérieur de ces murs, les murs dénominationnels, les murs d'interprétation, jamais nous sommes émurés dans un endroit où nous ne pouvons pas accepter la parole et le Saint-Esprit, et où il nous faut adopter le credo ou d'une église à la place de la puissance du Saint-Esprit. Les jours, les jubilés n'aura jamais de signification pour une telle personne. Peu importe combien vous pouvez affirmer que c'est votre mère qui vous a légué votre héritage, que c'est votre papa qui vous l'a légué, mais vous avez tout vendu, vous vous êtes enfermé dans les murs, vous avez adhéré à un credo, vous avez accepté ce dogme qui vous a été injecté dans votre communauté. Au lieu d'être libre en Christ, de laisser le Saint-Esprit vous conduire, vous n'écouterez plus la trompette de l'évangile. Oui, bien aimé frère. C'est ça le danger. Que beaucoup de frères et de sœurs. J'entends la parole. Frère. Ma soeur. Dada. Qui peut réussir? Nanaweza. Nous sommes tous des humains. Nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Le sang de Christ nous couvre. Damu ya Yesu Kristo kunatufunika. Ce sont des faux raisonnements. Ile ni mafikiri ya bongo. Le sang là qui nous couvre. Ile damu kunatufunika. La grâce de Dieu là. Neema ile ya Mungu. C'est elle qui envoie le Saint-Esprit. Niyo njoka tuma Roho Mtakatifu. Pour vous donner l'interprétation juste de la parole. Kukupatia utafsiri ya kweli ya neno la Mungu. L'interprétation juste de la parole. Mkuamini ile utafsiri ya kweli ya neno. Que vous ayez la foi de Dieu. Upate kuwa na imani ya Mungu. Ile kuna kukombola. Ce qui nous libère de nos péchés, ce n'est pas notre propre foi, mais la foi de Dieu en nous, la foi qui vient de la parole de Dieu, véritable, pas de votre interprétation. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Qui peut faire ça? Même dans les dénominations nous étions. tu es fils d'Israël. Ou comme tout Israël. Tu continues à te comparer avec les nations. Ou l'endelea kujifananisha na watu wa mataifa. Tu te compares avec les Égyptiens. Ou unajifananisha tena na watu wa Misri. Tu ne seras jamais libéré. Hautakombolewa kamwe. Tu resteras esclave du diable. Utabakilia mtumwa wa shetani. C'est vrai, frère. Ni byakweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni byakweli dada yangu. Les esclaves watumwa ne peuvent jamais être libérés. Hawawezi kamwe kukombolewa. D'autres ne connaissent pas le son de la trompette. Bengine abajue muliliwa ya tarumpeta. La trompette de l'évangile. Tarumpeta ya injili. L'esclave mutumwa, comme dit l'écriture, kama vile andiko inasema, demeure dans la servitude. Eko na dumu mutumwa. Comme le dit la Bible ici. Vile Biblia inasema hapa. De génération en génération. Vizazi na vizazi. Quiconque entrait dans la ville et achetait une propriété était lié, il ne pouvait plus racheter la propriété lors du jubilé. Elle n'était pas libérée et lui ne pouvait pas la racheter. Elle laissait la propriété de celui qu'il avait acheté de génération en génération. Vizazi na vizazi. C'est ce que dit l'écriture. C'est vrai. Et pourtant les fils, pur sang, sont libérés. Beko na kombolewa. Suivez-moi très bien. Munifate mzuri mzuri. Si vous n'êtes pas kama auna une fille de Dieu, binti wa Mungu, né de nouveau, mwenye kuzali kwa mara ya pili. Si vous n'êtes pas un fils de Dieu, né de nouveau, il vous sera toujours impossible d'être libéré de l'esclavagisme du diable. Peut-être j'y reviendrai encore. Le manque de la nouvelle naissance kukosa kuzali kwa mara ya pili empêche beaucoup de frères kuko nazuiza banduku ba mingi beaucoup de sœurs badada ba mingi de se libérer bapate kukombolewa sous la domination des démons chini ya utawalo ya mademona et du péché na ya zambi. L'église est avec moi. Et kanisa unanifuata. Vous écoutez quelqu'un. Wakati unasikia mutu. Frère. Nduku. Sœur. Dada. J'ai tout fait. Nilifanya byote. Pour me détacher de ce mauvais caractère. Nilipate kuachana na hii tabia mbaya. J'ai tout fait. Nilifanya yote. Pour me dégager de tel démon. Niachane na udemona fulani. J'ai tout fait. Nilifanya byote. Pour me libérer de tel péché. Nja kuachana na dhambi fulani. Je n'ai pas pu le faire. Lakini nashinda kuachana. Mimi na bishindwa. Je ne sais plus que faire. Sijui ni nini naweza sasa kufanya. Comprenez. Sikia kusema tu. Que vous êtes en face. Uko mbele. D'un esclave. Ya mutumwa. Nduku. Un esclave. Mutumwa. Peu importe ce que Dieu dit. Aizuru kile Mungu anasema. Même s'il voyait la colonne de feu. Hata kama akiona nguzo ya moto. Et que la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Sortait. Inatoka. De la colonne de feu. Nguzo ya moto. Il ne peut changer. Awezi kama kubadirika. Il ne peut abandonner. Awezi kuacha. Sa nature, hali yake, son caractère, tabia yake ya shetani. Vous voyez bien, mes frères, naona ndugu mpendwa, diabolique, ya diabolo, il ne peut pas. Hawezi kuiacha. C'est un esclave. Ni mutumwa. Qui, au jour du jubilé, ule musiku wa jubilé, reste esclave. Eko nabakilia paka mutumwa. De génération en génération. Vizazi na vizazi. kuishwa à la vie éternelle. Kuzima ya milele. Minashikia sauti ya Mungu. J'ai écouté la parole de Dieu. Minafanya mwangu pote. J'ai fait de tout mon mieux. Mais minashindwa. Mais je n'arrive pas. J'ai échoué. Uko na landa bongo. Tu trompes. Tu es seulement incrédule. Tu es un païen. Uko tu akutoka mini mpagano kumpagano mwanamke. Un païen est un incrédule. Pagano, ni wakutokwamini. Un incrédule. Wakutokwamini. Ne peut jamais se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'il interprète pour lui-même. Il a sa propre compréhension. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Il ne peut pas être libéré. Awezi kukombolewa. Il ne peut pas se libérer. Awezi kuachiliwa huru. Même le jour de jubilé. Hata siku ya jubilé. Aina Mungu anaweza kutuma. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé. La malaïka, les anges. La chariot, avec des chariots. Pour aller transporter les gens. Au dos, derrière et les sortir. De la servitude. Ce n'était pas comme ça. Les mouns qui est venu à l'épaisse à kujachiliwa kutoka huru. Il écoutait. Aina anaweza kusikia. Volontairement. Kwa kipendaro. Il se levait. Analamuka. Il abandonnait ce qu'il faisait. Bila ndo kufanyaka na kutembea kwa kipendaro kiwenye kujua kusema nilisha kombolewa sina tena mtumwa. Mungu anaweza kunikombola, sina na cha kulipa, sina na cha kufanya. Aizuru namna gani niluzishaka, unaona mali yangu namna gani nilijiuzisha. Alikuwa huru. Il n'avait pas de raisonnement. C'est lui qui raisonnait. Nous, il me donne de la viande. Ou, pas nyama, le matin, le soir, avant d'aller au champ, dans la vigne, muzabibu, il me donne le lait, maziwa, il me donne le pain, mkate, il me donne de la viande, nyama, à 12h je me repose, pumzika, il me traite bien, j'ai un conflit d'importance, kiamafa, de l'équité, ya kumwacha, kumutoka, ah, pour rester, unabakia. C'est votre propre interprétation. Ni utafsiri yako wewe mwenyewe. Du son de la trompette. C'est comme ça que toi tu interprètes. Njoo vile unatafsiri mulilio para interpreta. C'est comme ça que toi tu vois votre jubilé. Njoo vile unaona jubilé yako. Votre jubilé. Jubilé yako. C'est rester. Ni kubakilia. Esclave. Mutumwa. Frère. Nduku. Uko mutoto wa Mungu. Tu es un enfant de Dieu. De quel genre? De quel type? Tu as quel genre de foi en tant qu'enfant de Dieu? Toi qui as cru il y a des années, tu es toujours adultère, tu es toujours menteur, la méchanceté, n'en parlons même pas, makari, la colère, comme un fou. Depuis quand es-tu enfant de Dieu? Il y a certains gens, peu importe qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent pas être sauvés. Pourquoi ils ne peuvent pas être sauvés? Ils ont une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Ils interprètent mal la parole de Dieu pour eux-mêmes. Cette mauvaise interprétation de la parole. Cette compréhension mauvaise de la parole. Les empêche d'avoir la véritable foi. Bapate kwa na imani ya kweli. Ile libère. Ya kubakombola. Toi, quel genre d'enfant de Dieu? Oui, je le sais. Oui, binti dada. Avec tout ce message que nous entendons, tu as le courage d'écrire une lettre, tu envoies à des frères, c'est frère, Nduku, je t'aime, nina kupenda, français yenyewe ya kuoza, un français vraiment archaïque. Uko mutoto wa Mungu mwanamke depuis quand? Depuis quand es-tu fille de Dieu? Depuis quand as-tu cru? Qui t'a ensorcelé en te disant que le fait d'entrer au tabernacle, c'est ça être, devenir une fille de Dieu? unesha kufuanya 5 ans, 2 ans, déjà fait 5 ans, 2, 3 ans. Ungari paka mwinji mu kanisa. Tu es toujours voleur, mais étant dans l'église. Tu vas soutirer l'argent sur des personnes dans l'église. Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de chrétien? Tout ce que Dieu a toujours dit, dans ton cœur là, il n'est pas la crainte de Dieu. Toi, tu viens ici. Tu t'es fait prostituer pour séduire des frères. Depuis quand es-tu chrétienne? Tu es un esclave, une esclave. Tu es faux. Uko wa bongo. Tu as un cœur tordu. Una moyo ya kunyonga ya mubaya. Un esclave. Mutumwa. Une esclave. Mwanamke mutumwa. Demeure toujours. Anadumu kilamara. Ataba na ubirije. Quel que soit ce qu'on peut prêcher. Ataba na ubirije. Quelle que soit la façon dont on peut prêcher. Peu importe comment l'onction peut descendre. Même si on explique les choses de quelle manière. Ataba na pasili abitu mnamu na gani. L'esclave lui. Mutumwa yeye. Demeure. Eko na dumu. Mubutumwa. Mutumwa wa mademo. Un esclave de démo. 10 ans. Miaka kumi. 15 ans. Miaka kumi na tano. 20 ans. Miaka makumi mbili. Tu continues à insulter la femme. Tu continues à taper sur ta femme. Tu continues à mépriser ta femme. Tu n'es pas pur sang. Auna wa damu safi. Tu n'es pas pur sang. Auna wa damu safi. Nous avons quitté l'Égypte. Nous avons quitté les dénominations. Vous voyez, naona. Nous sommes venus. Tunakuya. Nous sommes en voyage vers Canaan. Safari ya kwenda mukanan. Mais tu n'écoutes pas. Auskiliza pana. Le nombre d'années dans l'église. Wingi wa miaka mukanisa. Ne vous sauveront pas. Abuta koko apana. Combien d'années un esclave demeure dans la maison, il est toujours esclave. Elle est toujours esclave. Et puis il y a certains hommes, les enfants du diable. Il va commettre l'adultère. Maintenant, il vient devant sa femme. Il a le courage de lui dire la manière dont il est allé commettre cet adultère. Comment tu peux te libérer? Dieu, on a oublié de combler. Comment peux-tu être libéré? Nam la gani, on a oublié de combler. Qu'est-ce que tu n'as jamais écouté, que tu n'as jamais entendu? Quel est le conseil de Dieu que tu n'as jamais reçu? Les esclaves. Nous allons commencer par là demain. Qu'est-ce que tu peux t'en dire? Watumwa. Demain. Wanendelea kubaki. Watumwa. Kama wewe unapatia mwanamke kitu. Si tu donnes quelque chose à une femme. Derrière, il y a les dons. Il y a l'adultère. Esclave. Mutumwa. Bantu wenye kuasele, leur âme est scellée avec l'enfer. Nafsi yabo inatiwa muhuri ngena. Kutoka mkanisa watatoka. Ils ne peuvent pas quitter l'église. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il va les retrouver dans les murs du Kambove Tabernacle. Ils vont rester. Batabakili amule. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Les esclaves. Watumwa. Si on a shimama, on a julisa. Tiens, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-ce que suis-je réellement un enfant de Dieu ou une fille de Dieu? Tu n'es pas un enfant de Dieu. La vie de désordre que tu as, la vie païenne, incrédulité l'orgueil que tu manifestes, tu n'as jamais été fils ou fille de Dieu. Voilà pourquoi, tu fais semblant de prier et jeûner pour tes démons. Tu n'arrives pas à jeûner, tu n'as pas la force à faire ma funga, tu n'as pas la force de prier. Pendant 30 minutes, tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force de prier. C'est parce que tu es esclave, tu es une femme esclave. Tu n'es pas pur sang. A una wada musafi. Demain, tu quittes les genoux, tu fais semblant de prier, dès que tu quittes, ma pensée pas toutes tes pensées ne sont que sur Boutabou, tu viens à l'église, Neno la, la parole de Dieu est prêchée, une fois tu quittes là, tu viens de dehors, immédiatement, tu arrives sur la rue, et tous les démons t'attendent là dehors, tu es chrétien, ce n'est que lorsque tu es assis là-bas, apparemment d'où tu es chrétien, une fois que tu traverses le portail pour te retrouver dehors, immédiatement les démons reviennent en toi, des mots d'adultère, de mensonges, de colère, tout ça, de la méchanceté entre en toi, tu redeviens et encore un homme comme un méchant. Et tu vas là-bas en grinçant les dents. Oh, pasteur a de nous bire inimi, a rien attaqué. José, vraiment il va me sentir. Est-ce comme ça qu'il peut parler contre moi? Il va sentir. Est-ce que lui peut me changer? Moi, il est méchant, il est animé de mauvais esprits. Nimutu moi. Il n'a pas l'interprétation particulière. Il n'a pas l'interprétation correcte. Il n'a pas l'interprétation correcte. Il n'a pas l'interprétation correcte. De la trompette du jubilé. La trompette du jubilé. Il a un entendement corrompu. Il est fier. Il est fier. Il est fier. C'est vrai, frère. Il s'est déjà érigé dans ses murs. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelque chose. Ça fera un jour quelque chose. Oui. Un jour ça fera quelque chose. Ça fera faire quelque chose. Levons-nous pour la prière. Moutou-moi. Esclave. Plusieurs années, plusieurs jubilés. Même si on faisait sonner la trompette, au-delà de plusieurs jubilés, il ne peut pas quitter la servitude. Chaque jubilé, qu'il a jubilé, les uns sortent, lui il reste. Chaque jubilé, les uns sortent, lui demeure. Il est qu'on a couya. Même le prochain, les autres, il va libérer. Il lui reste toujours les enfants qui ont cru après lui. Et pour faire dans la parole de Dieu, ils sont délivrés des démons. Mais une maman, un vieux papa, un ancien là, il est là enraciné dans le péché. Moutou moi. Il a même des titres et venant du diable. D'abord, il avait eu les brevets. Il a obtenu son certificat. Il a obtenu son diplôme. Il a obtenu son graduat. Sa licence. Et plus tard, il devient même docteur. Il fait même le master dans le péché. Il maîtrise le péché. En fin de compte, il est PO dans le péché. Tout moi. Professeur ordinaire. Mwalim wa université. Tayari kuseduire. Disposé seulement à kutongoza. Batenda nzambi bengine. D'autres pêcheurs. C'est lui qui enseigne aux gens la manière de commettre les péchés. Professeur ordinaire. Mwalim wa juu wa université. Esclave du diable. Mutuma wa shetani. Tupate kuomba. Père céleste, la vérité de la parole nous a été suffisamment annoncé. La trompette de Jésus.